بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ? إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Inna a'tadna lil-kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre. D'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur des divans, ni voyant ni soleil ni froid glacial. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Ces ombrages les couvriront de près et ces fruits inclinés bien bas à portée de leurs mains. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines, en cristal d'argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre. Puisez là-dedans à une source qui s'appelle Salzabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela sera pour vous une récompense, et votre effort sera reconnu. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Et invoque le nom de ton Seigneur matin et après-midi. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. إن هؤلاء Ces gens-là aiment la vie éphémère, la vie sur terre, et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Quand nous voulons, cependant, nous les remplaçons facilement par leurs semblables. Ceci est un rappel, que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et Allah est omniscient et sage. يدخل من يشاء في رحمته. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, et quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux.